le temps n'existe plus, des battements indécis signalent le début et la fin de tout souci. Je vais au hasard sous la lumière qui scie des moments noirs aux instants immobiles. Les heures n'existent plus, mais d'autres phases s'en suivent. Je traîne dans le bleu de ta défense passive. Pendant ce temps, la nuit tombe sur toi, mais bien moins souvent. Je repartirai, je laisserai tout ça dans l'état où c'était. Je donnerai ton nom à ces rues qui s'étirent sous le soleil du matin. Les heures n'existent plus, phases s'en suivent. Je traîne dans le bleu de ta défense passive. Pendant ce temps, la nuit tombe sur toi, mais bien moins souvent et de plus en plus tard. Si tu ne viens pas, je repartirai. Je laisserai tout ça dans l'état où c'était. Je donnerai ton nom à ces rues qui s'étirent sous le soleil du matin. Si tu ne viens pas, je repartirai. Je laisserai tout ça dans l'état où c'était. Je donnerai ton nom à ces rues qui s'étirent sous le soleil du matin.